encore danser, danser dentelle, puis revolter, l'effet d'un corps de ballet. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa, tu as laissé son corps, je t'en veux. Ça fait mal de vivre sans toi. Et la mare, tu ne t'imagines même pas. Comme ça fait mal de rire sans toi. Et la mare, tu ne reviendras pas. Elle était belle à tes côtés. Dans son regard, je voyais que tu faisais d'elle un conte de fées. Sur toi, elle se reposait. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa, tu as laissé son cœur, je t'en veux. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal, tu ne t'imagines même pas. Comme ça fait mal de rire sans toi. Son sourire appelle au secours. Il est sans amour. Ça fait mal de vivre sans toi. Et elle a mal, tu ne t'imagines même pas.